Tu t'en vas, ma pauvre amourette. Tu t'en vas, ne s'aimait-on pas. Oh oui, la mer a bercé tant d'amour dans le creux de ses vagues. Un bout de ciel et un coin de dune, un goût de sel sur ta peau brune. Car la mer a bercé tant d'amour dans le creux de ses vagues, le temps d'un été. Mais l'été en partant a laissé sur le sable mouillé, tant de rêves oubliés. Un cœur l'été, à fleur d'insouciance, jamais l'été. Au chagrin pense, mais tu pleureras, petite fleur des plages, quand l'été chantera sur d'autres rivages. Car la mer a bercé tant d'amour dans le creux de ses vague, le temps d'un été. Mais l'été en partant a laissé sur le sable mouillé tant de rêves oubliés. Oui, la mer a bercé tant d'amour dans le creux de ses vagues, le temps d'un été. Mais l'été en partant a laissé sur le sable mouillé tant de rêves oubliés.